Chaque conducteur honnête reconnaîtra qu'un excès de confiance au volant le force à mépriser les moindres règles de sécurité. Plus on accumule des milliers de kilomètres au compteur, et plus on se sent capable d'exécuter plusieurs tâches à la fois. Les motards au guidon d'une machine qui pèse 200 kg ou plus savent que la moindre erreur de concentration peut les mener à l'accident. Vous imaginez un motard envoyant un texto ? Les automobilistes, eux, se sentent en sécurité dans la carapace qu'est l'automobile. Mais ils ne doivent pas oublier qu'ils croisent des piétons ou des cyclistes et qu'un écart peut être tragique. Envoyer un texto alors qu'on conduit est interdit, bien sûr. Arrêtez-vous. Réponse C.